Là-haut, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Voix des Guerriers. On vous souhaite évidemment une belle et heureuse année 2010. Je suis accompagné comme d'habitude de Frédéric, l'homme nouvelle Garcia. Et on va parler avec Mathieu Nicourt, un Français qui possède un club en France. Et également, nous, on a souvenir au Québec de l'avoir vu combattre ici au Québec il y a de ça quand même plusieurs années. Alors on va se remémorer peut-être de beaux souvenirs pour lui puisqu'il avait remporté ses combats qu'il avait livrés ici au Québec. Alors Mathieu Nicourt, bonjour. Allô, oui. Bonjour, je vous remercie de m'appeler. Ça nous fait plaisir, puis on veut prendre de vos nouvelles, puis également connaître comment ça se passe en France, votre école et tout ça. Mais d'abord, comment vous et les arts martiaux, votre rencontre, votre première rencontre avec les arts martiaux, ça s'est fait quand pour vous? Alors moi, ma première rencontre avec les arts martiaux, c'était les arts martiaux traditionnels, puisque quand j'ai commencé, le MMA n'existait pas encore en France. Donc j'avais fait un peu de jiu-jitsu, d'autres arts martiaux traditionnels à l'époque. Et puis, quand les premiers UFC ont commencé, quand on a eu les premières vidéos en France, avec sûrement un peu de retard par rapport à vous, j'ai compris que c'était vraiment ça que je voulais faire, et que c'était la voie de l'efficacité qui était importante pour moi. Et puis j'ai transformé complètement les pratiques que je faisais à l'époque. Je me suis orienté sur la lutte, sur la boxe et sur le grappling en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer le MMA. Et l'apprentissage de la lutte et le jiu-jitsu brésilien et tout ça, est-ce que déjà en France, il y avait des installations, il y avait des gens qui vont en lutte, on imagine que déjà la lutte était pratiquée en France certainement, là, mais est-ce qu'il y avait déjà des maîtres de jiu-jitsu brésilien? Est-ce que tout votre apprentissage, vous avez pu la faire en France? Parce que vous êtes, je pense, l'un des pionniers quand même combattants français à avoir pratiqué le sport du MMA. Oui, en fait, j'ai dû être un des premiers Français à faire carrière en MMA professionnel, effectivement. Et à l'époque, on n'avait pas de prof de MMA. Il y avait quelques professeurs de jiu-jitsu brésilien qui commençaient à s'installer, mais c'était vraiment les tout débuts du sport. Et donc, j'ai trouvé des entraîneurs en lutte et en boxe, mais pour la partie sol, la partie grappling, je me suis essentiellement entraîné seul, en fait. On était un groupe de pratiquants, on avait trouvé des vidéos pédagogiques et on avait commencé à travailler avec ça. Et paradoxalement, c'est au sol que j'ai progressé le plus vite, en fait, c'est le sol qui est vraiment devenu ma première spécialité en MMA. Qui était votre modèle lorsque vous avez débuté ça? Bon, vous dites que, comme plusieurs au Québec aussi, là, je pense, parmi ceux qui ont commencé ici, nos pionniers également, on parle souvent, ils fouillaient dans des livres, dans des vidéos. Qui était votre modèle pour vous lorsque vous avez débuté, à la fin des années 90, je pense? Ouais, c'était ça. Moi, c'était en 97 à peu près. Je m'étais orienté. En fait, j'avais pas trop cherché spécifiquement jiu-jitsu brésilien parce que j'avais déjà vu que j'avais aussi pratiqué. Hein, mais j'avais bien vu que le combat au sol avec le kimono et sans kimono, c'était c'était pas exactement la même chose, et même chose avec et sans frappe au sol. Donc je m'étais orienté sur des vrais spécialistes du MMA à l'époque. Donc j'avais commencé avec les vidéos de Bas Rutten et celle de Marco Ruas à l'époque. Ah, d'accord. Comment ce sport-là a évolué? Parce que bon, il faut dire là, qu'en à peine 10 ans, le sport a complètement, je pense que c'est l'un des sports, ou c'est le sport qui a le plus progressé parmi tous les sports de combat, parmi n'importe quel sport, je pense. Écoutez, au football, bon, le sport le plus populaire en Europe, le jeu que vous appréciez tellement. Mais bon, le sport évolue pas nécessairement tant que ça. Puis, ben, à un moment donné, c'est un sport qui est très simple. Ici en Amérique du Nord, on a le hockey. Il y a évidemment l'équipement qui évolue, tout ça, mais les techniques restent sensiblement pareilles. On a l'impression que le MMA a tellement progressé. Puis, ce qui est surprenant, c'est qu'on pense qu'il y a encore une marge de progression, que ce sport-là, dans 10 ans, il va avoir encore progressé beaucoup. Ouais, bah c'est, je pense que ça a été la même chose. En fait, tout ce qui se passe en Amérique du Nord arrive en Europe. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais tous les développements que vous avez chez vous, on les a ici aussi. Et c'est vrai que là, le sport est vraiment. Alors, c'est vrai que ça peut pas encore concurrencer des sports comme le football ici en Europe, mais par rapport aux autres arts martiaux, aux autres sports de combat, le MMA a complètement s'est développé à une vitesse absolument extraordinaire ici, quoi. Et en fait, il dépasse carrément tous les autres sports de combat existants ici maintenant. Le MMA en France est considéré illégal, qu'on connaît nous autres en Amérique. J'aime ça demander souvent aux combattants français. Est-ce que vous pensez que le public en général commence à changer son opinion? Oui, alors en fait, il faut le public commence à changer son opinion, et le problème, c'est surtout vis-à-vis du ministère des Sports en France. C'est-à-dire que les personnes qui sont à la direction du ministère des Sports sont pas forcément des spécialistes en sport de combat. Donc ils demandent conseil à droite à gauche, et puis le sport français a la particularité d'être très structuré en fait, et donc les grosses fédérations qui sont déjà en place en France voient pas forcément d'un bon œil l'apparition d'une autre discipline, pas tellement parce qu'ils considèrent que c'est un sport dangereux, mais parce que ça va leur prendre des licenciés tout simplement. Et donc il y a beaucoup de grosses fédérations qui freinent, mais la situation elle est enfin en train d'évoluer en France, c'est-à-dire que le MMA est plus complètement illégal en France, c'est-à-dire qu'on a le droit de le pratiquer maintenant, mais avec des règles qui sont un peu spécifiques, c'est-à-dire qu'en France, dès qu'un adversaire touche le sol, on a le droit de continuer avec des clés, des étranglements, mais la frappe au sol n'est pas autorisée en France pour l'instant. Donc en fait, le MMA existe, il est légalisé en France, ça doit faire un an ou deux, avec des règles différentes. Pardon? Avec des règles qui sont différentes à ceux qu'on retrouve dans les grosses organisations majeures. Voilà, c'est-à-dire que il commence à maintenant y avoir même de grosses organisations en France, mais les règles pour l'instant sont qu'on ne peut pas frapper dès qu'on adversaire est au sol. Donc toutes les frappes sont autorisées quand les adversaires sont sur leurs pieds, toutes les projections, toutes les clés, les étranglements, mais la frappe au sol pour l'instant n'est pas autorisée en France. On espère que les choses vont évoluer assez rapidement. Est-ce que le problème des arts martiaux traditionnels, bon, parce que il faut dire, là, je pense qu'il y a un bon pourcentage des combattants de MMA. Bon, ici au Québec, on a Georges Saint-Pierre, il a commencé avec le karaté Kyokushin, puis bon, plus on pourrait en nommer plusieurs pratiquants de MMA qui ont débuté avec les arts martiaux traditionnels. Mais est-ce que le problème des arts martiaux traditionnels, c'est qu'ils sont trop conservateurs, qu'ils sont pas assez ouverts sur les autres et qu'ils sont recroquevillés sur eux-mêmes, qu'ils ne s'ouvrent pas aux autres et qu'ils veulent tellement protéger ce qu'ils ont qu'ils évidemment ferment la porte pour que le MMA ne puisse pas évoluer, progresser en France pour justement eux garder ce qu'ils ont acquis dans les années antérieures, au lieu peut-être eux d'avoir une vision un peu plus grande, puis d'aller de profiter du MMA, puis de donner une nouvelle ouverture à leurs licenciés, que ce soit au judo, au karaté, ben ça leur offre une opportunité de plus de faire carrière dans un sport de combat. Bah voilà, je pense que c'est un peu ce qui se passe, mais je pense qu'il y a d'autres pays qui se sont ouverts plus facilement et où les ponts entre les différents sports se sont faits. En France, ça tarde un petit peu parce que le système français, comme je disais, est très très structuré et il faut beaucoup de temps à une fédération pour se mettre en place, et quand elle est en place, elle veut ça a mis tellement de temps pour qu'elle ait une organisation, que perturber son organisation, c'est toujours quelque chose qu'elle va éviter de faire, en fait. Mais de toute façon, le phénomène de mode, on est arrivé à un point que de toute manière, d'une manière ou une autre, personne ne pourra empêcher l'évolution et tout le monde sera obligé de faire les liens avec le MMA. Est-ce que vous pensez que c'est une peur légitime pour, admettons, je sais qu'en France, le judo est très populaire. Alors, pour le milieu du judo, est-ce que le MMA est une menace, vous pensez, ou est-ce que le judo va quand même continuer à évoluer en France? Moi, je pense que pour la fédé du judo, le MMA constitue une menace, effectivement. Maintenant, il y a tellement de sportifs de haut niveau issus de cette fédération qui s'intéressent au MMA et qui ont envie de se lancer dans cette pratique-là, les dirigeants seront bien obligés de les suivre de toute façon. Maintenant, bon, revenons à Fred, peut-être une autre question revenir sur votre école, nous parler un peu des étudiants que vous avez et tout. Avant ça, Fred, moi, j'aimerais ça qu'on revienne à l'année 2000. Vous êtes venu ici au Québec sur un événement où vous avez disputé deux combats l'ancienne organisation IFC. Vous avez affronté David Guigui et Ali Nestor Charles et vous avez battu tous deux par soumission. Est-ce que, bon, ces combats-là, j'imagine, c'est un bon souvenir pour vous? Est-ce que vous avez encore en mémoire vos combats que vous avez disputés ici au Québec? Oui, c'était un excellent souvenir. J'ai bien les combats en mémoire et surtout les Québécois m'ont très très bien accueilli. J'ai même eu du mal à retourner chez moi. En fait, j'ai pensé à l'époque à m'installer chez vous carrément. Ah oui, est-ce que vous avez fait d'autres visites au Québec depuis 2000? Non, j'y suis pas retourné. J'ai failli venir chez vous l'année dernière, en fait, parce que j'ai un très très bon ami avec qui j'ai fait mes études à l'époque en France et qui est installé chez vous à Montréal. Okay. L'année prochaine, j'ai failli partir l'année dernière, et cette année ou l'année prochaine au plus tard, je referai un voyage au Québec, c'est sûr. Alors en carrière, je me trompe peut-être là, mais sur la fiche que j'ai trouvée sur vous, vous avez 8 victoires et 2 défaites, dont 6 de vos victoires acquises par voie de soumission. D'ailleurs au Québec, vous aviez remporté vos 2 combats par clé de talon, si je vois bien. Est-ce que ça, c'est vos techniques de clé de cheville, des clés de talon, c'est votre spécialité? Ouais, c'est ma spécialité effectivement. J'ai suivi l'évolution qu'il y a eu sur le sport en général. À l'époque où on a commencé, c'était les spécialistes du grappling, des soumissions qui remportaient les combats. Donc c'est ça qui m'a le plus intéressé, c'est ce que j'ai le plus travaillé à mes débuts. Et naturellement, les clés de jambes, c'était ce qui me plaisait le plus en fait. Et je me suis vraiment spécialisé sur cet aspect-là. Et puis, par la suite, quand on a vu tous les lutteurs américains arriver, ça m'a donné envie de travailler en fait un peu en lutte. Donc, ce qui fait que après l'IFC, j'ai fait un combat encore en hybride wrestling pancras. Et j'ai un peu interrompu ma carrière en MMA à l'époque pour des problèmes de blessures. Et puis après un an et demi, j'ai refait un peu de compétition, mais cette fois, et je me suis relancé dans une carrière de compétiteur. Mais cette fois-ci, pendant 2 ans, j'ai fait de la compétition en lutte, qui est un sport qui m'a énormément plu aussi et qui m'a permis de bien progresser à ce niveau-là. en grappling également. Et là, l'année dernière, enfin il y a un an et demi, j'ai refait deux combats en MMA. À nouveau parce que j'ai eu je me ressentais bien et j'avais envie de revenir à mon sport favori en fait. Et ça a été un retour victorieux parce que bon ça s'est saldé par deux victoires. Est-ce que vous avez encore l'envie, est-ce que vous avez encore des aspirations d'effectuer d'autres combats professionnels en MMA? Oui, alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une opération d'une hernie au niveau des cervicales qui m'a obligé. En fait, j'avais prévu effectivement de continuer sur de reprendre vraiment une carrière un peu plus intensive et de me relancer à fond. Et puis bah après ces deux combats-là, j'ai dû me faire opérer de cette hernie. Maintenant, les médecins disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que je reprenne le sport. Donc je pense reprendre quelques combats effectivement. Pour l'année 2010, est-ce que c'est possible au début de l'année ou pour vous, c'est quoi votre plan de carrière là, à partir de maintenant? À quel moment vous aimeriez ou souhaiteriez disputer votre prochain combat? Le plus tôt possible, en fait. J'ai trop attendu à cause de l'opération et je suis j'ai déjà repris l'entraînement. Je me sens à peu près en forme et donc là j'ai une opportunité sur un combat en Afrique du Nord, en Tunisie. Okay. Donc, je pense que je vais commencer, le combat devrait avoir lieu dans un mois et quelques, donc je pense que je vais combattre là. Et puis ensuite, essayer quelques autres organisations. Et je sais qu'il y a d'autres organisations qui existent chez vous au Québec, et ce serait peut-être l'occasion pour moi, là je fais appel aux promoteurs, s'ils sont intéressés, et ben ça me motiverait beaucoup aussi. Ah ben effectivement, on va passer le mot. Vous avez fait déjà un séjour ici, puis ça s'était très bien terminé pour vous. Peut-être qu'il y a un de nos Québécois qui aimerait venger soit Ali Nestor Charles ou David Guigui. Puis dans le cas d'Ali Nestor, dispute encore quelques combats, mais je pense plutôt en boxe. Alors j'ai l'impression que il va falloir avoir un autre Québécois qui pourrait vous affronter. Puis effectivement, c'est toujours intéressant de voir des gens de l'étranger apporter quelque chose de nouveau également ici sur la scène québécoise. Je pense que les amateurs aimeraient bien vous revoir et effectuer peut-être une autre clé de talon à l'emporte-pièce. Votre premier combat contre David Guigui, en 45 secondes, vous aviez réussi à placer cette soumission-là, la clé de talon en 45 secondes. Est-ce que ça a été votre combat le plus court en carrière? Je crois que ça a été le combat le plus court, en fait, et pourtant, c'était probablement un des meilleurs adversaires que j'ai eu à affronter dans ma carrière, parce que je sais que déjà, à l'époque, notre catégorie de poids, en fait, existait depuis probablement à peine un an à l'époque. Donc le sport, on était à ses débuts. Au début, il n'y avait pas de catégorie de poids. Les catégories de poids étaient arrivées il n'y a pas très très longtemps. Et déjà, je sais que David Guigui était un combattant expérimenté et qu'il était le favori du tournoi, en fait. Est-ce que, les clés de talon puis les clés de cheville, de quelle manière vous pratiquez ça? Est-ce que vous êtes capable de concentrer un entraînement juste là-dessus? C'est quoi la difficulté de placer cette soumission-là? C'est de trouver le bon timing ou le bon moment pour la tenter? Parce que, à chaque fois que vous tentez ce genre de soumission-là, vous vous mettez quand même dans une position qui peut être périlleuse. En fait, ce qu'il y a, c'est que je vise pas spécialement. J'ai pas pour objectif spécifiquement de m'orienter sur cette technique-là. C'est simplement que j'ai des facilités sur ce type de technique-ci, et ce qui fait que si dans le combat l'opportunité se présente, je vais instinctivement aller la chercher en fait. Mais de la même manière, je tenterai une clé de bras si c'est un bras qui passe à ma portée. Mais c'est vrai que comme j'ai des facilités plus pour celle-là, je vais plus souvent arriver à la passer en combat. Vous parlez de l'instinct. Est-ce que ça peut arriver dans un combat où ce que vous pensez à ce que vous voulez faire, mais vous avez tout simplement pas le réflexe assez rapide parce que ça doit être une question de fraction de seconde de prendre une décision? Là, en fait, si vous voulez, dans un combat, moi, je pars avec une stratégie globale. C'est-à-dire que je sais à peu près avant le combat où je veux aller. Je sais ce que je veux faire. Maintenant, le combat, il se passe jamais exactement comme on l'avait prévu au départ. Et puis, là, par exemple, contre David Givi, dans ce premier combat, la situation s'est présentée là. J'avais pas prévu au début que je réussirais à le battre avec une clé de talon, en fait. Bon, parlons maintenant de votre club en France. Bon, d'abord, à quel endroit il est situé? Alors, on est situé sur Paris 13e, pardon. Et donc, on vient d'ouvrir une nouvelle salle sur Vitry-sur-Seine, qui est dans la banlieue parisienne. Donc, en fait, on avait jusqu'ici uniquement des créneaux dans des gymnases. Okay. Et là, depuis le mois d'octobre, on a investi, on a placé des sous dans une grosse structure, ce qui fait que la Free Fight Academy a franchi un nouveau cap. En fait, on a vraiment une vraie structure professionnelle avec une salle de MMA équipée avec une cage d'entraînement, ce qui en France est très très rare. Je crois qu'il y a deux ou trois clubs qui doivent en avoir en France. Une salle de boxe, une salle de musculation aussi. Donc là, on a, en fait, depuis que le club existe, on a beaucoup beaucoup évolué. À l'époque, le sport était pas encore à la mode. On devait avoir une dizaine de pratiquants. Maintenant, on est rendu à 150 pratiquants, enfin 150 inscrits au club à peu près. Et on a une équipe de combattants professionnels qui font des combats un peu partout en Europe. Et donc, je voulais avoir une vraie structure professionnelle pour eux, en fait. Mais parlons-en de les combattants professionnels de votre club. Est-ce que, bon, d'abord, avant de parler de quelques cas en particulier, est-ce qu'il y a un point commun entre chacun de vos combattants? Est-ce que, bon, que ce soit par leur style ou peut-être par leur philosophie de combat? Alors, sur la philosophie du combat, la philosophie en général, oui, parce qu'on essaye de... En fait, la caractéristique du club, c'est que je veux qu'il y ait vraiment une mixité sociale. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, des jeunes qui viennent de milieux aisés, des moins jeunes aussi, d'ailleurs. On a toutes les classes socio-professionnelles qui viennent au club, qui se rencontrent, qui peuvent échanger. Et on a réussi, je crois, à créer une bonne ambiance. Après, sur le style des différents compétiteurs, moi je vais apporter une touche personnelle, mais par exemple, c'est pas parce que moi j'aime les clés de cheville que les clés de cheville ou les clés de talon, ça va être ce qui va convenir à tous mes élèves. Donc on apporte une structure globale pour que les gens sachent boxer, sachent lutter, sachent travailler au sol et surtout qu'ils sachent passer d'un élément à l'autre, c'est-à-dire passer d'un enchaînement point-pied à une amenée au sol en lutte et lier l'amenée au sol en lutte avec un travail au sol. Après, sur cette base commune-là, chacun va développer son propre style. Parlons maintenant en particulier peut-être de quelques combattants. Est-ce que vous peut-être parler de ceux qui vont le mieux présentement dans leur carrière, qui ont du succès, puis peut-être nous parler par la suite de vos prospects, de vos jeunes combattants qui sont prêts là peut-être à connaître une bonne année 2010. OK. Donc on a plusieurs combattants qui percent bien en ce moment. On a notamment Lopez Owonyebe qui combat en moins de 84 kilos, qui a remporté ses derniers combats, qui a combattu à Marseille il n'y a pas très très longtemps. Je pense qu'en 2009, il a 4 victoires, une défaite, si je me trompe pas, Monsieur Nicourt, c'est bien ça? Alors, j'ai plus les années exactes et le nombre de combats gagnés par année, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et toutes les défaites qu'il a eues, il les a eues avec des adversaires très, très expérimentés, en fait. Donc, et là, c'est vrai qu'il reste sur plusieurs victoires de suite. Donc, il va recombattre en Tunisie avec moi, probablement d'ici un mois. OK. C'est quoi l'organisation en Tunisie, si je peux vous demander? Alors, c'est une toute nouvelle organisation, mais qui est très très ambitieuse, qui offre de belles bourses pour les combattants, et qui va se développer très très vite et devrait se faire une place au niveau des organisations internationales. Bon, par la suite, on a parlé de Monsieur Lopez, dont je me risquerai pas de prononcer son nom de famille là. Bon, je vais me lancer. Lopez Awoniyebe, ça ressemble un peu à ça. Tu l'as très bien prononcé. Oui. Mis à part lui également, je pense que c'est l'un de vos coachs, hein? Ben, pas à vous nécessairement, mais un des coachs de votre club. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il est arrivé, en fait, Lopez, c'est un. Il est arrivé avec une expérience de sportif, notamment en lutte. Okay. À partir de là, par contre, il a fait ses classes chez nous parce qu'il voulait apprendre le grappling. Il s'est beaucoup perfectionné en grappling. Il a gagné plusieurs compétitions de grappling importantes ici en France. Il s'est beaucoup perfectionné en boxe aussi. On partageait vraiment la même philosophie. Il a passé des diplômes d'enseignant sportif également. Et donc, ça m'a permis de me reposer, en fait, énormément sur lui, en fait. Donc, c'est vrai qu'il est coach aussi au club. On a également Arnaud Bonafour, qui est un de mes plus anciens élèves, qui est en grappling aussi, a fait plusieurs titres ici importants en France, qui m'aide aussi. Et puis, d'autres élèves un peu moins expérimentés qui passent des diplômes et qui viennent en appui avec nous. Et donc, par contre, sur les autres compétiteurs, on a plusieurs jeunes là qui commencent à bien percer en ce moment. On a notamment Johan Romy, qui vient de faire deuxième au championnat du monde de grappling. Et qui vient de remporter 3 combats d'affilée en MMA, donc au Contenders, qui est un des événements un des principaux événements français actuels. Et bon, ça fait déjà plusieurs longtemps que vous êtes dans le milieu du MMA, puis vous avez votre club qui existe depuis, je pense, déjà plusieurs années quand même, plus de 10 ans. J'ai dû ouvrir, je pense, à peu près en 97, quelque chose comme ça. Ah, ok. Est-ce que vous le savez maintenant, avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez, dès qu'un jeune nouveau qui vient s'inscrire dans votre club et puis qui s'entraîne avec vous, est-ce que vous le savez tout de suite quel est son potentiel, puis qu'est-ce qu'il peut faire peut-être au niveau professionnel, pour ceux évidemment, parce que j'imagine que la majorité n'ont pas d'aspiration professionnelle, c'est plus par loisir et... Voilà. Oui, mais ceux qui ont vraiment une aspiration professionnelle, est-ce que déjà, juste à l'entraînement, vous savez ce qu'il peut faire comme carrière? Alors, effectivement, la majorité des gens qui se présentent viennent essentiellement pour une pratique loisir. Et puis, dans ceux qui viennent avec une aspiration à la compétition, et il y en a d'autres qui viennent en loisir au début, puis qui finalement découvrent le sport et qui se mettent finalement à la compétition aussi. Mais après, dans les compétiteurs, on repère facilement les combattants qui ont immédiatement un instinct pour le combat, okay. Qui enregistrent les techniques plus vite que les autres, qui progressent plus vite. Donc ça, c'est sûr qu'on les repère assez facilement. Mais il y a un autre aspect important, c'est que psychologiquement, il faut être assez fort. Je pense que dans tous les sports de compétition et dans notre sport encore plus. Et c'est vrai qu'il y a parfois des combattants qui techniquement sont très très forts, et dès qu'on les met en situation de compétition, la gestion du stress, ils vont avoir un petit peu de mal. Et c'est vrai que pour repérer un bon combattant, celui qui gère bien le stress dans les premières petites compétitions qu'il réussit à faire, celui-là on sait qu'il aura moins de problèmes aussi. Et celui-là on sait qu'il va pouvoir effectivement aller plus loin. Oui, parce que je pense qu'il y a ceux qui, sous le stress, sous la pression, ils progressent de 10-15%, et puis il y a ceux qui, sous la pression, bien là, ils sont pas capables, mais ils sont à 50% de leur capacité. Bon, je vous donne des chiffres comme ça, là, évidemment, il n'y a rien de scientifique, là. Mais ça, est-ce qu'il y a un travail à faire pour ceux qui ont beaucoup de talent, puis en pratique, vous les voyez, puis ils survolent la compétition, puis ça va très bien, mais lorsque Ils sont en compétition professionnelle, c'est plus difficile, bon, à cause de la gestion du stress et tout ça. Est-ce qu'il y a un travail, est-ce que c'est possible de régler ce problème-là, ou c'est seulement que le temps et la maturité qui peut venir à bout de cette lacune-là? Alors, nous, on fait un travail spécifique sur ça par rapport à la préparation psychologique de nos combattants. Et après, eh ben, il y a certaines personnes sur qui ça va fonctionner, qui vont avoir un peu de stress, mais on sait qu'avec une bonne préparation, ils vont se mettre dans le combat et le stress, ils vont le surmonter. Et eux, ils vont pouvoir aller loin malgré tout. Peut-être même que le stress qui les handicapait au début, ils vont réussir à le transformer en un truc positif qui va les aider à être encore plus efficaces. Et puis, bah, il y a toujours d'autres combattants qui, eux, vraiment, sont peut-être moins faits pour la compétition et qui, avec toutes les techniques du monde, auront un peu plus de mal. Mais ça, bah, de toute manière, on donne leur chance à tout le monde. Et puis, chacun, de toute manière, ira jusqu'où il pourra aller. Voilà. Alors, ce qui s'en vient pour vous, c'est dans un mois, un peu plus d'un mois, un événement probablement en Afrique du Nord, comme vous nous l'avez mentionné. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'actualité pour votre club qui s'en vient rapidement, que ce soit des stages ou peu importe? Alors, pour les... Alors, peut-être en Afrique du Nord, en fait, j'ai déjà fait un stage en Algérie. C'était une grande première. Je crois que c'était le premier stage de MMA qui avait lieu là-bas. En fait, la France est assez liée avec ces pays-ci et on a gardé de bonnes relations avec eux. Et moi, donc, on m'a proposé de venir déjà faire un stage là-bas qui s'est très bien passé. Je pense qu'un autre sera programmé assez rapidement. Et par contre, au niveau des compétitions, oui, on a un programme qui est assez chargé. En France, en fait, même si les règles sont pas aussi libres qu'elles pourraient l'être, on commence à avoir de plus en plus d'événements. Il y a un nouvel événement qui s'appelle le PFC, qui a lieu à Marseille. Ok. Qui est un très très gros événement et qui prend de plus en plus de place dans le paysage français, auquel on va présenter plusieurs combattants. Notamment, donc, à part Lopez et Johan, un autre combattant qui est très prometteur pour le club qui s'appelle Gary Décordé, qui est un tout jeune combattant et qui a déjà, qui doit déjà, je crois, avoir 5 victoires, 3 défaites et qui vient de remporter justement le dernier PFC Challenger, un tournoi qui a lieu à Marseille. Et donc, il recombattra là dans un autre PFC au mois d'avril prochain. Ah, d'accord. Fred, est-ce que tu as d'autres questions, toi, sur le club, la Free Fight Academy? Non, ça va aller. Je vous remercie beaucoup de votre temps que vous nous avez accordé ce matin, mais cet après-midi pour vous. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Oui, avant de conclure, je pense également que vous avez eu l'occasion, la chance, je ne sais pas si vous avez apprécié ça, mais de tourner dans un film avec Vanessa Paradis, entre autres, au courant de l'année 2007. Je vois que vous suivez bien l'actualité française, oui. Oui, ben, Vanessa Paradis, quand même, elle a été... il y a de ça plusieurs années. Elle a aidé l'essor. Elle a aidé, je pense, à la puberté de plusieurs jeunes hommes québécois il y a plusieurs années. Alors, elle a aidé à celle de plusieurs jeunes Français aussi. Oui, est-ce que vous avez eu d'autres expériences, soit en cinéma ou comme comédien en France? Oui, alors j'en ai eu un petit peu, hein, mais bon, il faut savoir que j'ai pas vraiment. En fait, le fait que je tourne dans ce film, donc il y avait Vanessa Paradis, Guillaume Canet, Jean Rochefort, donc beaucoup de grands acteurs français. Et en fait, c'était plutôt une opportunité. C'est pas moi qui ai décidé de faire une carrière. Il se trouve que le réalisateur du film, qui s'appelle Guillaume Niclou, est un passionné de sport de combat et de MMA et donc en fait il avait envie de proposer un rôle à un pratiquant de MMA et donc il a envoyé ses collaboratrices faire un peu le tour des salles. On m'a fait faire des essais et ma tête lui a plu apparemment, et c'est comme ça qu'on m'a et c'est comme ça que ce rôle-là m'a été proposé. Donc bah, évidemment ça a été une très très grande expérience. Et puis, par la suite, donc j'ai eu la chance de tomber pareil sur un réalisateur qui m'avait vu justement jouer dans ce film-là et qui m'a proposé un premier rôle pour un moyen métrage où j'interprète un boxeur. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il savait pas à l'époque que vous étiez un combattant. J'avais une carrière dans les sports de combat en fait. Ok. Et donc le film a été fini l'année dernière. Je crois qu'il n'y a plus que le montage, son image à faire. Il devrait sortir prochainement à la télévision. Et puis, je continue une fois de temps en temps quand l'opportunité se présente. Voilà. Ok. Alors c'est vraiment, cette carrière-là, c'est présenté à vous. Là, c'est vraiment, c'est comme un peu une surprise pour vous. Mais est-ce que vous ouais. avez apprécié ça suffisamment pour peut-être essayer d'ouvrir des portes? Parce que là, les portes sont ouvertes à vous toutes seules, mais est-ce que vous avez apprécié ces expériences-là au point de peut-être maintenant essayer de cogner à des portes? Alors, c'est sûr que de toute façon, c'était une expérience extrêmement agréable et que c'est que si je peux continuer, je continuerai avec plaisir. Après, il faut savoir que voilà, il y a même des grands acteurs français parfois ont du mal à trouver des rôles au cinéma. Donc je me fais pas d'illusions non plus par rapport à ça. Il est possible que j'ai d'autres propositions. Je me suis pris un agent en fait après le premier film, ce qui m'a permis de trouver le deuxième. Donc c'est vrai que si j'ai d'autres propositions, je les étudierai bien sûr, mais je me fais pas d'illusions non plus, ça peut très bien se poursuivre ou alors non. Voilà. Parfait. Bon, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez eu la chance de côtoyer de près Vanessa Paradis? Oui, en fait, puisque j'ai 2-3 scènes dans le film avec elle. C'est même probablement la grande comédienne avec laquelle j'ai le plus été en présence dans le film. Et on a pu discuter un petit peu entre les scènes. Et c'est quelqu'un. La première fois que je l'ai vue, je savais pas trop si je devais aller la voir, si en tant que star elle était inapprochable. Et c'est elle qui est, c'est elle qui très très simplement est venue me voir en fait. Voilà, et qui s'est présenté, donc on a pu discuter, on a échangé sur nos enfants. En fait, on est né la même année, donc on a pratiquement le même âge, on a des enfants qui ont à peu près les mêmes âges aussi, donc on a pu discuter. C'est une personne qui s'est montrée très très humble en fait. Alors bon, si vous avez la même âge que Vanessa Paradis, c'est donc dit que vous avez quoi, autour de 37 ans? 38, 37, oui. Est-ce que, pour terminer, là, bon, vous avez des combats de prévus, là, dans un mois et demi, mais par la suite, à cet âge-là, est-ce que vous voyez combattre encore plusieurs années? En fait, j'aimerais bien déjà en faire une, puis on verra où je suis rendu. En fait, je pense que le MMA, paradoxalement, c'est un des sports où on dure le plus. On a des combattants comme Randy Couture, évidemment, mais même d'autres qui sont un peu plus jeunes, qui continuent à faire des très très bons résultats et à battre les plus jeunes à 38, 39 ans. Oui. Donc, peut-être encore 2 ou 3 ans, je pense. Bon, parfait. Monsieur Nico, ça a été vraiment un bon moment pour nous, puis on vous souhaite beaucoup de succès dans votre prochaine année ou vos 2 dernières années de carrière, et qui sait, peut-être encore plus, j'imagine, tout est une question de blessures, là. C'est le genre de sport où les blessures sont à peu près, je pense, inévitables, mais bon, ce qui fait qu'on continue ou pas, c'est évidemment le niveau de sévérité des blessures. Alors, on vous souhaite que ça aille bien pour vous ainsi qu'à votre club, puis surtout que l'essor, que la progression du MMA puisse continuer chez vous en France. Eh bien, écoutez, je vous remercie énormément. Ça m'a fait très plaisir d'entendre votre accent qui m'avait manqué. Et je reviendrai vous voir dans votre belle province avec grand, grand plaisir. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.